cousin, j'avance crête, quelques faces dans la poche. Quand j'écris, je mets une droite en place en la gauche. Les regards figés sur nous, dès qu'on passe en la coste, on veut serrer des meufs toutes bonnes avec un accent de la côte. Poteau, remballe ton son si ça sent la taupe ici. Y'a pas de galère quand tu passes dans ma zone. Le quartier meurt, c'est l'hiver, il fait très froid. Mon frère, on perd la tête comme une chienne qui perd ses poils. Je m'arrêterai pas de rapper car ma tête est pleine d'espoir. Ouais, je fais rien de mes journées, mais j'écris des 16 dès le soir. On a de l'ambition, on a trop maté chaudasse. Je rappe pour tous les quartiers calmes et tous les quartiers chaudards. Encore une fois, Namur serein, on vient de kicker le sample. On est toujours aussi carré, donc on a visé le centre. Moi, je veux qu'on gagne le match ici, y'a pas de mi-temps. C'est le style du 4100, celui que t'admires tant. Te sens pas seul, si t'as dealé la ZEP 4100, j'ai toujours pas quitté l'adresse. Sera, lève la main si t'as kiffé la tête. En fin de compte, on a écrit ce que nous dictait la tête. Te sens pas seul, si t'as dealé la ZEP 5100, j'ai toujours pas quitté l'adresse. Ouais Namur, lève ta main si t'as kiffé la tête. En fin de compte, on a écrit ce que nous dictait la tête. Ce petit belge qu'on attèche, qui a fini dans la rue, qui réalise que quand il gèle, des amis y'en a plus. J'écris la nuit posée, quand je suis calme et logique. Ma vie n'est pas rose, mais plutôt noire et toxique. Si on rime aujourd'hui, c'est bien grâce au lexique. Certains speak pour s'évader, et d'autres barrent au Mexique. À Liège dans la cabine avec un texte bourré de ratures. En vrai, pour moi, le rap, c'est comme un rêve de nature. Fini de me taire, j'prends la parole, depuis que je parle, j'progresse. J'écris des cesses, encore un texte de psychopathe, mon frère. Écoute, on a tiré, je me suis mis hors du tir. Dans mon quartier, on se fait la guerre, comme dans Call of Duty. Avant d'écrire, je regarde le programme du soir. Sans rien, j'prends des risques, et peut-être qu'un jour y aura du cash. J'suis une victime, mais jamais je joue la cible. J'anticipe, car la vie, c'est pas toujours facile. J'suis le mouvement, car tous les jours, j'accompagne la verte. Venu pour dire ce qu'on pense, on te racontera pas de la merde. J'apprivoise la rime pour te faire comprendre ce qu'on affronte. J'écris, j'rappe ce que ma conscience me raconte. J'ai compris c'est quoi la vie, j'mets plus un scène par terre. Criminel, j'ai besoin d'un joint pour faire un 16 parfait. J'traîne là où ça tue le perce. Ouais, comme ça tu sais, c'est 4-16, 4 têtes et ça donne un mur Liège. Te sens pas seul si t'as dealé de la ZEP 4100, j'ai toujours pas quitté l'adresse. Lève ta main si t'as kiffé la tête. En fin de compte, on a écrit ce que nous dictait la tête. Te sens pas seul si t'as dealé la ZEP 5100, j'ai toujours pas quitté l'adresse. Ouais Namur, lève ta main si t'as kiffé la tête. En fin de compte, on a écrit ce que nous dictait la tête. En fin de compte, on a écrit ce que nous dictait la tête. Hein? Ok. Trop de Russein gros, gros d'us vergo. Moi je pète les records comme Usain Bolt. J'viens fuser le top, infuser le flow. C'est qu'au cycle du 4-1 vient sucer le boss. Mec, le style varie, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, voilà, la tornade, j'ai la rime facile. Tu veux du vrai frère? Un peu d'air frais. Mec, mon son se transmet comme de l'herpès. Exercice de style, j'éclaircis le script. Épaissis le beast, check, expertise ma ville. C'est l'attaque massif, je rattrape ma cible. Ça canard ta team, mec, j'ai la patate rapide. Mon stylo parle minot, des kilos de vibes nitro. Le micro marche, c'est psycho, pilon White Widow. Les chemins mûrs, qu'est-ce t'as vu? Baisse pas le fut, hein. Mec, j't'assure, j'lâche des cesses, je parle plus. Te sens pas seul, si t'as dealé la ZEP 4100, j'ai toujours pas quitté l'adresse. Sera, lève la main si t'as kiffé la tête. En fin de compte, on a écrit ce que nous dictait la tête. Te sens pas seul, si t'as dealé la ZEP 5100, j'ai toujours pas quitté l'adresse. Ouais Namur, lève ta main si t'as kiffé la tête. En fin de compte, on a écrit ce que nous dictait la tête.